Skill, Mystique, Dino, Blackmo. Ouais, ouais, Monsieur R. C'est Monsieur R, ouais. Hingu, Hingu. Hingu, Hingu. Le hip-hop est un temple, les piliers se multiplient. Les plis sur les visages, les messages ont changé depuis. La nuit des temps, on sait que la vie fait pas le cadeau. Les ennuis, les chagrins chargent le poids du fardeau. Éternel crépuscule, y a-t-il alternative à la révo? Allez, vaut mieux fermer sa fer en silence, gardez vos bravos. Je ne suis pas venu en touriste ici. Je coche les jours en attendant la sortie. Faut pas que j'insiste, j'insiste, j'incite à la gruge. Évite les transfuges, fais ton beurre et fous le camp. Ramène les récoltes à la grange. Tes parents t'ont donné une chance, c'est pas con. Ceux qui nous aiment pas fleurissent comme les fleurs dans le balcon. D'en face, pour le voisin d'en face, t'es qu'une sale race, tes bruits, tes odeurs embarrassent. Celle-ci est connue, aussi connue que les conneries de Coluche. Face au rap coqueluche, moi je préfère Jean-Mich cran-cran. Il faut qu'on calme nos cœurs agités pour bâtir et fuir les faucons. Fermer les portes, percer que les vents pénètrent. Dire aux autres où se trouvent les terrains mouvants. Et tu sais quoi, je m'en fous d'un mouvement. J'suis pas un touriste, j'suis venu chercher de la maille. Pour un instant d'un queue, s'il faut faire la queue, y'a ma gueule dans la liste. Je cherche la bonne chaussure pour mes pieds. Si j'avais ta face à la place de mes fesses, j'aurais honte de chier. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et change pas ma gueule, je continue à lever le coin. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule, je continue à fermer le coin. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ta gueule si tu te fous de ma gueule. À 10 ou tout seul, tu prendras mon poing dans ta gueule. Ma gueule elle est ronde, et même si je rôde la nuit, les ennuis, je m'y appuie. Tout ça pour sortir de ce puits. Et puis quand on trouve pas taf, de mon cas on taf. Sous des objets bizarres, aux odeurs bizarres. Aïe aïe aïe, la bataille sera dure, mais wallah. Je foutrai la pagaille comme le vaudeur sur mon Sinaï. Mais mon saut des cartouches, et moi un carlouche. Louche dans mon prison, un savon à terre pendant la touche. Couche-toi par terre, à terre, ma mater m'a pas mis au monde pour chature sur cette putain de terre. Tu penses que ma peine a maigri depuis que le pen s'est séparé de mes graines. Certains semblent moins aigris, mais aigris reste ma tête. Trouve un appart à casse-tête. Vu mon nom, les proprios ne veulent pas me voir en tête à tête. Alors à la tête un empire, t'imagines leur tête. Mais leur saint silicone veut bien que je les tête. Comme Bernie, je suis pas le beau voisin, l'Elysée. Avisé, je suis donc à moi de savoir comment l'ériger. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et change pas ma gueule, je continue à lever le coin. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule, je continue à fermer le coin. Sentinelle, dans ce trip, je le jure sur la prunelle. De mes yeux, on verra le bout du tunnel, on caressera les cieux. On fera de l'ombre à la lune avec nos rap éclipses. Nos sombres hymnes nocturnes, chez nous y'a pas de blood and grips. Je ressemble à la misère, ils disent leur mère, je suis le fils à mon père. Ils pointent leur putain de bise. Je suis un flingue sur le front à Marianne, un effronté de nègre au front. Conscient de nos maigres chances, on essuie l'affront. Merde à la Gaulée, à ses avenues. Je vais cette balafre sur la face de mon dos, ça me rappelle que je suis pas le bienvenu. J'rime cruel jusqu'à la moelle. Nique leur théorie de Rockwell, escon à Roswell. C'est nous les vrais putains d'envahisseurs. La race la plus haïe. On va pas se laisser trahir comme nos prédécesseurs. La rage massaille qu'on se bouffe, mec, c'est ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ce rap sera peut-être pas un single. Mais si pour notre honneur sali, pour la mémoire des Magom et des Ibrahim Ali, mon putain de clic dans leur narine, les fait saigner du pif. J'suis une enfoirée de panthère noire, fais gaffe à mes griffes, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et change pas ma gueule, je continue à lever le coin. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et je ferme pas ma gueule, je continue à fermer le coin. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et je change pas ma gueule, je continue à lever le coin. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce qu'elle te saoule? Toi si tu me saoules, là je vais mettre la cagoule. Sache qu'ici-bas rien n'est certain. Et je change pas ma gueule, je continue à lever le coin. Qu'est-ce qu'elle a ma